Comment, Dorante ? Voilà un repas tout à fait magnifique. Vous vous moquez, madame, et je voudrais qu'il fût plus digne de vous être offert. Monsieur Jourdain a raison, madame, de parler de la sorte et m'oblige de vous faire si bien les honneurs de chez lui. Je demeure d'accord avec lui que le repas n'est pas digne de vous. Comme c'est moi qui l'ai ordonné et que je n'ai pas sur cette matière les lumières de nos amis, vous n'avez pas ici un repas fort savant et vous y trouverez des incongruités de bonne chère et des barbarismes de bon goût. Ah, si Damis s'en était mêlé, tout serait dans les règles. Il y aurait partout de l'élégance et de l'érudition. Il ne manquerait pas de vous exagérer lui-même toutes les pièces du repas qu'il vous donnerait et de vous faire tomber d'accord de sa haute capacité dans la science des bons morceaux. De vous parler d'un pain de rive à biseau doré, relevé de croûte partout, croquant tendrement sous la dent. D'un vin à sève veloutée, armé d'un verre qui n'est point trop commandant. D'un carré de mouton gourmandé de persil, d'une longe de veau de rivière, longue comme cela, blanche, délicate, et qui sous les dents est une vraie pâte d'amande, de perdrix relevé d'un fumet surprenant, et pour son apéra, d'une soupe à bouillon perlé, soutenue d'un jeune gros dindon cantonné de pigeonneaux et couronné d'oignons blancs mariés avec la chicorée. Mais pour moi, je vous avoue mon ignorance. Et comme Monsieur Jourdain a fort bien dit, je voudrais que le repas fût plus digne de vous être offert. Je ne réponds à ce compliment qu'en mangeant comme je fais. Oh, que voilà de belles mains. Les mains sont médiocres, Monsieur Jourdain. Mais vous voulez parler du diamant, qui est fort beau. Moi, madame, Dieu me garde d'en vouloir parler. Ce ne serait pas agir en galant homme et le diamant est... Fort peu de choses. Vous êtes bien dégoûté. Vous avez trop de bonté. Allons, qu'on donne du vin à Monsieur Jourdain et à ces messieurs qui nous feront la grâce de nous chanter un air à boire. Oh, c'est merveilleusement assaisonné la bonne chère que d'y mêler la musique. Et je me vois ici admirablement régalé. Madame, ce n'est pas... Monsieur Jourdain, prêtons silence à ces messieurs. Ce qu'ils nous diront vaudra mieux que tout ce que nous pourrions dire. À petit doigt, Phyllis, pour commencer le tour, accabez en vous à d'agréable charme. Vous et là-bas, vous vous prêtez des armes, et je sens pour tous deux redoubler mon amour. Entre lui, vous et moi, entre lui, vous et moi, nous jurons, jurons, ma belle. Une ardeur éternelle entre lui, vous et moi, vous et moi, jurons, jurons, ma belle, une ardeur éternelle. Comme bouillant votre bouche, il en reçoit d'attrait. Et que l'on voit par lui votre bouche embellie, à la de l'autre il me donne envie, et de vous et de lui je m'enivre à l'autre. Entre lui, vous et moi, entre lui, vous et moi, jurons, jurons, ma belle. Une ardeur éternelle entre lui, vous et moi, vous et moi, jurons, jurons, ma belle, une ardeur éternelle. Vivons, chers amis, vivons, le temps qui fuit nous y convie. Profitons de la vie autant que nous pouvons. Quand on a passé l'onde noire, adieu le bon vin, nos amours. Dépêchons-nous de boire. Dépêchons-nous de boire. On ne voit pas toujours. Laissons résonner sur le vrai bonheur de la vie. Notre philosophie, le même parmi les beaux. Les biens, le savoir et la gloire, n'ôte point les soucis fâcheux. Et ce n'est qu'un bien charme d'avoir. Et ce n'est qu'un bien charme d'avoir que l'on peut être heureux. C'est versez, garçons, versez, versez, versez toujours tant qu'on vous dise assez. Versez, versez, versez toujours. Versez, tant qu'on vous dise assez. Versez, versez, versez toujours tant qu'on vous dise assez. Versez toujours tant qu'on vous dise assez. Je ne crois pas qu'on puisse mieux chanter. Et cela est tout à fait beau. Je vois encore ici, madame, quelque chose de plus beau. Ouais, monsieur Jourdain est galant, plus que je ne pensais. Comment, madame? Pour qui prenez-vous monsieur Jourdain? Je voudrais bien qu'elle me prie pour ce que je dirais. Encore? Vous ne le connaissez pas. Elle me connaîtra quand il lui plaira. Il est homme qui a toujours la riposte en main. Mais vous ne voyez pas que monsieur Jourdain, madame, mange tous les morceaux que vous touchez? Monsieur Jourdain est un homme qui me ravit. Si je pouvais ravir votre cœur, je serais...